C'était la mère et la fille qui revenaient de glaner. Ils en trouvèrent une anguille dans une gerbe de blé. Tralilira, l'air, tralilira, l'air, la la. Ils en trouvèrent une anguille dans une gerbe de blé. La fille la voulait toute, la mère en veut la moitié. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. La fille la voulait toute, la mère en veut la moitié. Nom de nom, que dit la mère, nous irons au juge de paix. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. Nom de nom, que dit la mère, nous irons au juge de paix. Bien le bonjour, monsieur le juge, nous venons de vous trouver. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. Bien le bonjour, monsieur le juge, nous venons pour vous trouver. Nous avons trouvé une anguille dans une gerbe de blé. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. Nous avons trouvé une anguille dans une gerbe de blé. Ma fille la voulait toute et moi j'en voulais la moitié. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. Ma fille la voulait toute et moi j'en voulais la moitié. Nom de nom, que dit le juge, le procès va être jugé. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. Nom de nom, que dit le juge, le procès va être jugé. La jeune fille aura l'anguille et la mère la gerbe de blé. Tralilera, l'air, tralilera, l'ira, la la. La jeune fille aura l'anguille et la mère la gerbe de blé. Nom de nom, que dit la vieille, le procès mal jugé. Tralilera, l'air, tralilera, l'ira, la la. Nom de nom, que dit la vieille, le procès mal jugé. À vous autres jeunes filles, qu'en avez tant que vous voulez. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. À vous autres jeunes filles, qu'en avez tant que vous voulez. Et nous autres pauvres vieilles, qu'en avons par charité. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la. Et nous autres pauvres vieilles, qu'en avons par charité. Quand le rétameur il passe, à peine s'il veut nous rétamer. Tralilera, l'air, tralilera, l'air, la la.